Chapitre 26e, le demi-spectre. On le conduisit dans la chaufferie du calorifère, en ce moment éteint encore. La pièce ne recevait de jour que par un soupirail qu'une planche fermait hermétiquement. Paulin Broquet y trouva en effet la nuit la plus complète. Et il y entrait à peine que l'un des plateaux qu'il tenait à la main se mit à briller comme s'il portait des étoiles à demi éteintes. Fit le détective en tâtant avec ses doigts pour reconnaître, à l'épaisseur du verre, ce que contenait le plateau, ce sont les lettres de la vitre qui rendent leur clarté. Il se demanda comment ces lettres, que supportaient des morceaux de verre, ayant passé la nuit et la plus grande partie de la journée à terre, dehors, dans le jardin, au soleil, n'avaient pas perdu leur clarté, et au contraire semblaient fraîches, sinon plus qu'au moment où l'on avait tracé l'inscription. « Ce n'est donc pas avec du phosphore qu'on a écrit cette fois, » se demanda-t-il. Et ce qu'il tena aussi très grandement, ce fut de voir que les morceaux de la glace brisée par les balles ne donnaient, eux, aucune lueur. Cependant, fit Paulin Broquet, le général affirme, et aussi plus déclare également, avoir vu dans cette glace les têtes de mort. Bizarre, bizarre. Il remonta, revint à la salle des armures, où le général et aussi attendait son retour, anxieux d'apprendre le résultat de ses recherches. « Eh bien, lui demanda le général, avez-vous trouvé ?» Paulin Broquet secoua la tête, mais en souriant. Il revint à la croisée et examina un des morceaux de la vitre par transparence, puis alla se rouler dans une des portières, voulant ainsi tout de suite avoir de la nuit. « Bon, fit-il en se dégageant, pour la vitre, ça y est, il demanda. « Vous dites, général, que dans la glace qui était là, au bout de la salle, vous avez aperçu deux têtes de mort brillantes. Oui, aussi possible. Là, deux têtes de mort qui bougeaient, qui suivaient nos mouvements à nous, pour ainsi dire. Alors j'ai tiré et les morts ont disparu. C'est ce qu'ils font généralement quand on les tue. » Paulin Broquet demanda encore. « Mais avant d'avoir aperçu dans la glace deux de ces morts vivants, vous en aviez vu un seul, vous, général. Parfaitement. Un qui se tenait là, dans ce coin, où était cet animal d'Ossipe. Bon. Et Ossipe envoyait un également, en même temps, de ce côté où je me trouvais. Et c'est quand vous vous êtes, vous, général, et Ossipe, trouvés ensemble, ici, près de votre lit, que vous avez aperçu sur la paroi d'en face deux têtes de mort dans la glace. Absolument. Alors tout s'explique. Comment? Les morts, vous ne les avez pas tués. Les morts existent encore. Les morts sont le général Sobarov et Ossipe. S'écria le général en sursautant. « Nous, morts ?» Ossipe flageola sur ses jambes. « L'inscription disait, « Dans 3 jours, tu seras comme tu es. Regarde-toi. » « Oui. » « Eh bien, vous vous êtes regardé, général. Vous vous êtes vu comme on prétend que vous serez dans 3 jours. »« Mort ?»« Oui, mort. Dans 3 jours, vous serez mort. » Le général maintenant regardait avec angoisse le détective, qui parlait avec un sérieux, une gravité imperturbable. Il ajouta. « Mais général, rassurez-vous, je ne suis pas magicien, ni sorcier, ni enchanteur. Cependant, il est en mon pouvoir d'obtenir ce que n'a pu faire votre coup de pistolet. Je vais, devant vos yeux, effacer un de ces morts, et devant les yeux d'Ossipe, anéantir l'autre, et cela à jamais. Vous allez faire cela? Quand? Tout de suite. J'ai seulement besoin pour cela d'un peu d'eau, et d'une éponge. » Ossipe frémit. « De l'eau? » fit-il. « De l'eau? Il faut de l'eau? » Ossipe redoutait l'approche de l'eau plus qu'un coup de pistolet. Paulin Broquet comprit la raison de cet effarement, et pour ne pas mettre ce pauvre diable au supplice, ni son maître, qui assurément partageait ses appréhensions, il reprit « Non, attendez, pas d'eau. »« Cela vaut mieux, en effet, » insinua le général méfiant. « Une éponge seulement, et une de ses soucoupes, puis un peu de vodka. » Paulin Broquet parlait un langage facilement tendu. Il demandait des choses rapidement offertes, qu'on avait toujours sous la main, sauf l'éponge qu'on ne trouva pas, mais qui fut promptement remplacée par une serviette. « Maintenant, dit le détective, veuillez me suivre. Où allons-nous? À la cave, à la chaufferie. » Peu après, le général pénétrait derrière le détective qui s'éclairait de sa petite lampe électrique de poche dans la chaufferie du calorifère. Ossipe suivait, portant la soucoupe et le cruchon de vodka. Paulin Broquet versa un peu de vodka dans la soucoupe, il y trempa la serviette, et faisant placer Ossipe en face de son maître, il dit au général de regarder. En même temps, il éteignit sa lampe électrique. Un double cri retentit, poussé par le général, par l'intendant. « La mort! Ne bougez pas, dit Paulin Broquet. Il s'approcha d'Ossipe, et prenant la serviette imbibée de vodka, il la pressa sur un des côtés de la figure d'Ossipe. Voilà un demi-mort, fit-il. En effet, il semblait maintenant qu'on eût coupé en deux la tête de mort, car un œil rond subsistait, puis la moitié du front, la moitié même de la bouche. Et le spectacle était peut-être plus effroyable encore. Mais Paulin Broquet le fit aussitôt cesser en débarbouillant, à l'alcool, l'intendant Ossipe. La démonstration est faite, fit-il, remontons. Revenant dans la salle des armures, il dit au général, « C'est tout simple. Ils ont écrit à l'endroit de la salle la fameuse inscription sur les vitres. Ils se sont servis d'une composition assez connue, qu'on désigne sous le nom générique d'héméraphile. Elle a la propriété de capter les rayons du jour et de les rendre dans l'obscurité. Divers corps qu'on prétend à tort composés de radium ont cette propriété. On les appelle sélénium, iradium et autrement. C'est d'usage courant. » Il ajouta, « Pour cette fois, ceux qui jouent ici le rôle des habitants de l'au-delà ont renoncé au phosphore, qui se serait altéré à l'air. Ils ont employé une de ces compositions pour l'inscription sur la vitre. « Mais nous ?» demanda le général. « Nous, comment ont-ils pu nous faire des têtes lumineuses, des têtes de morts vivants ?»« Pendant votre sommeil, tranquillement, ils ont badigeonné votre figure avec ce produit invisible en plein jour. » Paulin Broquet se mit à sourire, mais ne formula pas tout sa pensée. Sachant que vous ne vous débarbouillerez pas, il ne craignait pas de voir leur stratagème, si on peut dire, tomber à l'eau. Mais tout haut, il ajouta, « Pendant la journée, vous vous êtes promené dans le parc. » « Oui, toute la journée. » « Alors vous emmagasiniez de la lumière pour le soir, et le soir, la fantasmagorie a parfaitement réussi. » L'explication était simple. En effet, le général en était ravi. « Tout ça, cria-t-il en tombant sur Ossipe, tout ça, animal, parce que tu ne te laves jamais. Si tu t'étais nettoyé, tu n'aurais pas eu une tête de mort en feu, mais l'eau n'a pas touché ton front depuis ton baptême. » Ossipe aurait pu trouver que répondre, mais il garda le silence. Paulin Broquet conclut. Cependant, général, en voilà assez de ces amusements, de ces fantômes, de ces têtes de mort. Il faut en finir. Sur un ton grave, solennel, que jamais encore il n'avait pris en parlant au détective, le général dit. Ces gens-là sont capables de tout. Nous devons nous attendre à tout. Ils veulent cette fortune, et ils emploieront tous les moyens possibles pour l'obtenir. Mais ils ne me l'arracheront pas, soyez-en persuadés. » Il reprit après un court moment de silence. « Ah certes, ils sont forts, très forts. Ils peuvent s'emparer de moi avant que j'aie pu me défendre, avant que vous, Paulin Broquet, malgré toute votre habileté, votre diligence, vous puissiez accourir à mon secours. Donc, j'ai cru bon de prendre quelques précautions. » Il dit à Ossipe, « Va me chercher le pli. Que tu connais ou tu sais. » Ossipe se retira, et peu après il revenait, tenant une enveloppe de belle taille portant de grands cachets de cire et retenue par des ficelles. Le général l'attendit au détective. « Voilà, vous voyez la suscription à M. Paulin Broquet. Vous allez garder chez vous cette enveloppe. Vous ferez sauter ses sceaux et prendrez connaissance de ce que la seconde enveloppe contient. C'est le secret du dépôt de la fortune du prince Grigoriski. Du vrai, de celui qui est mort. Je vous charge, vous, Paulin Broquet, de retrouver Johanna ou Amédéa ou leurs héritiers et de leur remettre ce bien qui leur appartient. » Paulin Broquet prit l'enveloppe que lui tendait le général. « J'espère arriver à remettre en main propre cette fortune et je ferai tout mon possible pour remplir cette mission selon votre désir. » Le général tendit la main au détective. « Merci, » dit-il encore. « Maintenant me voilà tranquille. Ils peuvent venir, je suis prêt à tout, même à mourir. Mais ils n'auront rien, ils n'auront rien. » Il ajouta douloureusement. Si la chance vous met en présence de la divine Johanna, dites-lui, mon ami, dites-lui bien ce que vous savez. Dites-lui ma souffrance, mon ami infini, et mon châtiment, ma peur éternelle. Dites-lui que j'ai voulu racheter le passé, dites-lui que je suis mort, que c'est pour elle. Dites-lui d'avoir pitié et de me pardonner, elle, la divine, comme Dieu pardonna à ceux qui le mirent à la croix, de pardonner à son bourreau.